Je n'ai pas peur du chemin qui me mène à la fin du monde. Je n'ai pas peur de ces doutes que tu sèmes d'une main féconde. Où que tu sois, je vagabonde au même endroit. Et je pense, ma vie, je donne un sens au monde. Je ne crains pas la piqûre que fait la méchanceté des hommes. Je ne crains pas la blessure que le temps de la vie me donne. Où que tu sois, je vagabonde au même endroit. Et je danse ma vie, je lance mon avis sur le monde. Et sur la route, un enfant pleure et je m'effondre. Et sur la route, un enfant pleure. Je m'effondre. Je n'ai pas peur du chemin qui me mène à la fin du monde. Je n'ai pas peur de ces doutes que tu sèmes d'une main féconde. Où que tu sois, je vais.